À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, les journaux et revues de divers pays du monde ont présenté largement sa noble vie révolutionnaire et ses immortels exploits. Le journal hongrois Szabadság a inséré les photos du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un avec des articles en leur honneur. L'Éthiopien Ripot et l'Ougandais Sunrise ont affiché le portrait en sourire du général et la revue népalaise Dolopian sa photo avec les numéros titrés « Le mois de février coréen et Kim Jong-il » et « Éminent dirigeant Kim Jong-il » et « Kim Jong-il et février ». Le Bangladais Daily Industry et le Nigérian Statesman aussi ont présenté ces exploits pour contribuer considérablement à la cause socialiste et à l'émancipation de l'humanité.